Je suis cet ange, imaginé par les humains. Je retiens tous ces mots entre mes mains. Imaginez l'ampleur des dégâts quand avec vous je ne ferai qu'un. Je suis cette machine à tort et à travers un énorme mécanisme. Je passe du fer au nucléaire. Je retiens toute cette énergie entre mes mains. Je suis l'humain, imaginé par les humains. Une armature de fer, des atomes dans les mains. Je file, je siffle, je passe, tout se passe comme un tour de passe-passe. D'énergie, je suis rempli. De la fusion, je vis. Tchernobyl, Nagasaki, Hiroshima, et maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui c'est demain, aujourd'hui c'est la fin. Je renais de mes cendres et vous fais succomber. De mes entrailles renaît cette chaleur oubliée. Vous humains comprenez la puissance de la machine. La machine que je suis, de l'humain je proviens. J'ai déjà dessiné des centaines de peuples entiers. C'est du ciel que je reviens. Je suis belle, vous m'aimez. Aimez-moi à en crever, allez-vous regretter. C'est du ciel que je reviens. Je suis belle, vous m'aimez. Aimez-moi à en crever, allez-vous regretter. Bye.